you need business. Kizi Uzuben. Uzugizi Kuku Sisi. Y et W. Zone sensible. J'ai fait l'amour avec elle. Merde. Je l'ai fait monter dans mon sirocco. Elle était folle, elle était belle. Dont Pérignon, elle m'a fait siroter. Elle a trahi tous mes amis, m'a fait tirer sur mes ennemis. Vendre le shit et puis la sensi. Hier je ne venais pas de l'élite, elle voulait pas du zénith. Mais j'ai fini par y chanter. À cause d'elle on me recalait, je suis Gizmo là, laisse-moi rentrer. Et j'ai quitté tes travers, tes foyers, tes prisons. Des fois tu me manques mais je vois d'autres choses à l'horizon. J'ai connu tes ascenseurs, tes halls, tes cages d'escalier. Plus une fois j'ai failli canner sur le terrain même quand il caillait. Elle s'est servie de moi, je m'en battais les couilles des lois et toutes ces batailles que je gagne pour monter l'estime de moi. Et j'ai menti à ma mère, j'ai fait le dur, j'ai fait le mur. À cause d'elle en cellule, mais j'ai que la sortie, c'est du sûr. Et pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Moi je ne voulais que t'aies ma paix, ça m'acheter un peu de peu ça. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Je ne voulais que t'aies ma paix, ça m'acheter un peu de peu ça. Pourquoi? Elle m'abandonne après l'adoption. Comment ça? Des gens qu'on a dû boxer. Pour pas que ça devienne un boxon. Et j'ai sonné comme un chien de la casse. Tu te rends pas compte, ça me fait plus rien la crasse. Ton matos s'est planqué dans la caisse. Attends-moi 5 minutes, là j'arrive à la place. Voilà ce qu'elle nous fait faire. Tu nous trompes si tu nous chéchères. Je sais ce que c'est que manquer d'air. De me demander quand je vais ses pères. Tu nous as volé d'af, je t'en voudrais toute ma vie. Tu m'as volé mon père, j'ai vomi toute la nuit. Elle est vulgaire et elle s'en fout que tu deviennes fou. Ou dans un trou ou dans ton zoo. De toute façon elle nous tient pas les sous. Elle t'offrira pas le ballon d'or, mais elle te fera connaître le ballon. J'ai 18 mois, je suis dans un parloir. Putain mais t'as pas. Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Moi je ne voulais que t'aies ma paix, ça m'acheter un peu de peu ça. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Je ne voulais que t'aies ma paix, ça m'acheter un peu de peu ça. Mais pourquoi? Elle m'a dit que j'irais mieux. Ça n'a pas marché. Maman, je suis trop défoncé. Je peux pas te regarder dans les yeux. Excuse-moi. J'ai encore traîné dans la tête avec mes copains que t'aimes pas trop. Toi tu te réveilles à 5h, moi je suis en bas et je fais le patron. Mais je sors plus avec elle, maman je te jure que c'est fini. Elle a fait de moi Gizmo quand tu as fait de moi Gizzy. Tu m'as dit que je l'avais cherché, tout ça parce qu'elle m'a bercé. De façon cette putain de rue elle gagne toujours, c'est comme le tiercé. Tu m'as dit que je l'avais cherché, tout ça parce qu'elle m'a bercé. De façon cette putain de rue elle gagne toujours, c'est comme le tiercé. Merde. C'est fini, tes boîtes de nuit et tes dons père. Nique sa mère, c'est pas la rue à mon père. Gizi Ouzou, si si coucou. Et pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-le-moi, ouais, dis-le-moi. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi?